Toujours belle, par Aurélien Scholl. Sur les bords de l'Orge, avant d'arriver aux belles fontaines, on aperçoit une bâtisse élégante, petit château moderne, recouvert d'ardoises. Placée sur le versant du coteau, au milieu d'une pelouse et entourée d'un petit bois, la maison attire l'œil des quelques rameurs qui descendent l'Orge jusqu'à Juvisy. À peine un pêcheur à la ligne, en quête d'une bonne place, a-t-il aperçu quelquefois, sur la hauteur, une femme, la figure couverte d'un voile épais, et un jeune homme qui marchait doucement en s'appuyant sur son bras. Au moindre bruit de rame, tous deux disparaissaient au détour d'une allée ou derrière un massif. Les gens de Juvisy s'étaient efforcés vainement de pénétrer le mystère qui semblait entourer ces nouveaux venus dans le pays. Le jardinier et les domestiques parlaient une langue inconnue qu'un commis voyageur avait déclaré être le bas breton. Une vieille femme de charge qui faisait les achats de la maison parlait seule français, et encore, n'en disait-elle que les quelques mots nécessaires aux transactions de la vie usuelle. Après s'être livré à toutes les suppositions imaginables, l'aubergiste et l'épicier de Juvisy avaient décidé que ce jeune homme était un fou, que sa famille avait confiné dans cette propriété, bornée par un grand mur du côté de la route et par une rivière du côté des champs. Quant à la femme, c'était une parente ou une mercenaire, et quand un peintre, revenant des belles fontaines, demandait quel était le propriétaire de ce petit parc plein d'ombre et de mystère, on répondait couramment « C'est un fou qui demeure là ». Le 10 juillet 1884, par une de ces chaleurs que le Sénégal nous envie, le vicomte de Montbrun sortait à 9 heures du matin de son petit hôtel de la rue Vernet et descendait les Champs-Élysées. Il allait voir un cheval qui lui avait été proposé par un marchand de la rue de la Pépinière. Les squares étalaient leurs corbeilles de fleurs, entourées de feuillages dont les nuances avaient été artistement graduées comme pour une rosette de décorations étrangères. Au rond-point, les 4 jets d'eau s'enlevaient à toute volée, roulant des teintes d'arc-en-ciel avec un semis de poudre de diamant. Monsieur de Montbrun était un de ces Parisiens qui ne quittent jamais Paris. « La mer, disait-il, a été faite pour les pêcheurs et pour les marins. Elle a ses beautés, sans doute, mais elle n'est possible qu'une heure par jour. Dès qu'elle sortit, elle laisse à découvert des bouts pestilentiels à côté desquels le grand égout est un flacon d'eau de Cologne. Quant à la campagne proprement dite, il y fait aussi chaud qu'à Paris, avec cette différence qu'on ne sait qu'y faire le soir. Si on laisse ses fenêtres ouvertes, on y est dévoré par les moustiques. » Et si on les ferme, on regrette la rue Royale et la chaussée d'Antin, où l'on peut de minuit à 2 heures du matin fumer tranquillement son cigare au clair de la lune, sans être piqué par quelque monstre ailé ou souffleté par une chauve-souris. Cependant, le vicomte remarqua que les passants étaient rares. Il voyait déboucher de l'avenue d'Antin, de la rue de Ponthieu, de la rue du Cirque, des fiacres chargés de malles. La vue des préparatifs de la fête imminente du 14 juillet lui serra le cœur. La politique n'entrait pour rien dans sa répulsion. Le 15 août lui eut inspiré les mêmes appréhensions sous l'Empire. Mais le vrai Parisien est l'ennemi des fêtes publiques, de tout ce qui trouble son repos et change forcément ses habitudes. Partout des mâts, des poteaux, des banderoles. « Où me réfugier pendant 3 jours ?» pensa M. de Montbrun. L'année précédente, il était allé à Saint-Germain, et on y avait fait autant de tapages, tiré autant de pétards qu'à Paris. Montbrun songe alors qu'il s'était promis de faire un voyage en Bretagne, avant que la pioche du démolisseur eût fini de transformer ce vieux coin de pays en une succursale de Vaugirard. Revoir Vitré, Fougères, passer une journée à Saint-Malo et revenir. Il éviterait ainsi la cohue, les illuminations. Puisque la province envahit Paris au moment des fêtes, il faut bien que le Parisien lui laisse la place. Le surlendemain, Montbrun arrivait à Vitré. C'était un samedi soir. En province, quand on veut juger de l'ensemble de la beauté des femmes, il faut se poster le dimanche à la porte de l'église. C'est pourquoi Montbrun se tenait dès 8 heures du matin sur le seuil de la basilique de Saint-Martin, attendant la fin de la messe. En quittant Paris, il avait jeté à la poste un mot adressé à Mademoiselle Paula Salimbéry, artiste de la danse au théâtre de l'Éden. Paula était une superbe fille, une transtévérine aux yeux noirs d'un feu superbe. Elle avait débuté à Naples, et après une saison passée au théâtre italien de Nice, elle était venue montrer aux Parisiens ses formes irréprochables et ses grâces mutines. Mon brun avait alors 28 ans. Joli homme, très au courant des coulisses, il joignait à ses charmes personnels les séductions de 60 000 francs de rente. Il se présenta et fut agréé. Liaison charmante les 6 premiers mois. Scène d'amour, protestation d'éternelle fidélité, entremêlée de promenades au bois, de cavalcades matinales et de soupers joyeux. Versailles, Ville d'Avray, Bougival virent passer souvent la belle Amazone et Montbrun galopant côte à côte. Pour la Salimbérine, avec un défaut, elle était d'une jalousie insupportable. Othello eût été un Georges Dandin auprès d'elle. Si Montbrun, au théâtre, lorgnait vaguement une femme, Paula lui arrachait ses jumelles et se mettait à sangloter. Un jour que le vicomte s'était arrêté un instant auprès de la voiture de Madame de C., la Transtévérine eut une crise de nerfs. « Si tu me quittes, disait-elle souvent en brandissant un poignard, je te tuerai et je me tuerai après. » Quand il se décida à faire son petit voyage en Bretagne, Montbrun était arrivé à ce moment où l'amoureux, lassé, se demande s'il vaut mieux envoyer 10 000 francs sous enveloppe à l'objet qui a cessé de plaire, ou s'il ne serait pas plus sage de lui constituer une petite rente viagère de 1 500 francs. À peine installé dans le coin du coupé qui l'entraînait loin de Paris, Montbrun n'eut plus qu'une pensée, savoir comment il pourrait s'y prendre pour n'avoir pas le bonheur de revoir Paula Salimbéry. La sortie de la messe commença. 2 ou 3 hommes apparurent, ne remettant leur chapeau qu'après avoir franchi la porte du lieu saint. Puis les mères et les demoiselles, quelques bonnes femmes en coiffe, par-ci par-là un notaire ou un magistrat. Pas de pharmacien. Tout à coup, Montbrun tomba en arrêt. Au milieu d'une poussée, une tête de jeune fille lui était apparue. Était-ce un mirage, une illusion ? Ou voyait-il réellement cette figure idéale? Jamais, dans ses rêves les plus ardents, il n'avait rien imaginé qui approchât de ces lignes de l'au-delà terrestre. C'était la pureté calme, la sérénité chrétienne, la virginité radieuse, une nuée détachée du souffle qui, au commencement, flottait sur les eaux. C'était une essence d'âme. Montbrun se demandait s'il était possible qu'une pareille créature existât. Il osait à peine respirer dans la crainte que ce lys tombé du corsage de Sainte Marie ne reprît le chemin des cieux. Et la jeune fille descendait les marches de l'église, souriant à une femme d'un certain âge, pas encore vieille, sa mère sans doute. Montbrun suivit les deux femmes, d'instinct, sans savoir. Elles entrèrent dans une petite maison de très modeste apparence. Il retint le nom de la rue. En rentrant à l'hôtel, Montbrun prit ses informations. La jolie demoiselle, Mademoiselle de la Rade. Son père était un excellent homme, d'une famille qui avait été riche avant la Révolution. Puis, de père en fils, on avait vendu des bouts de prairie, des parcelles de terrain, pour soutenir le rang. Finalement, ce pauvre monsieur de la Rade s'était retiré dans une sorte de maisonnette qu'habitait autrefois l'intendant de sa famille. Il vivait là, tant bien que mal, avec sa femme, une demoiselle de la Roche-Glaïeul et sa fille Jeanne. C'est tout au plus s'il restait 1 200 à 1 500 francs de revenus. Mais ces dames savaient vivre de rien et lui, le pauvre bonhomme, se privait même de tabac à priser. Le vicomte écrivit à son notaire à Paris, le priant de se mettre aussitôt en rapport avec un de ses collègues de Vitré, de lui faire savoir que lui, Montbrun, était de bonne famille, qu'il passait pour un galant homme et qu'il n'était pas sans fortune. Après quoi, le notaire de Vitré le présenterait dans une famille où il comptait trouver le bonheur. Les choses se passèrent comme le vicomte les avait réglées. Il fut présenté, salua en tremblant Mademoiselle Jeanne de la Rade, revint dans la maison et fut agréé. Cependant, on mit des conditions au mariage. Le vicomte devrait accompagner sa femme à la messe tous les dimanches et faire au moins ses Pâques. Montbrun promit tout ce que l'on voulut. Il passa comme dans une extase les quelques semaines qui précédèrent le jour fixé pour le mariage. Quand, de retour à l'hôtel, il se trouvait seul, il était pris d'un tremblement en songeant que s'il n'était pas venu à Vitré, Jeanne aurait peut-être été la femme d'un autre. Mais non, il y a des lois écrites là-haut, elle l'attendait. Il était venu parce qu'il devait venir. Au beau milieu de son rêve, il reçut, par l'entremise de son notaire, car il cachait soigneusement le lieu de sa retraite, une lettre d'un de ses amis. Cet ami, membre du petit club, lui écrivait que Paul à Salaberry le cherchait de tous côtés et proférait contre lui des menaces terribles. Monbrun chargea son ami de remettre 40 000 francs à la Transtévérine en lui annonçant qu'il était parti pour l'Amérique et qu'elle ne le reverrait jamais. Enfin, le grand jour arriva. Le contrat avait été signé. Deux amis de la famille de Monbrun étaient venus pour servir de témoins aux mariés, et le 10 septembre, à 11 h du matin, les invités montèrent en voiture pour se rendre à la mairie. Monbrun et deux ou trois personnes causaient avec l'officier de l'état civil quand un cri perçant suivi d'une longue clameur vint les frapper d'effroi. Ils se précipitèrent vers les fenêtres. Il y avait dans la cour comme une mêlée. « Que se passe-t-il ? » s'écria Monbrun comme étranglé. Une femme, une inconnue, a jeté du vitriol à la figure de Mademoiselle de Larade. La pauvre enfant a la moitié de la figure brûlée et un œil perdu. On la transporte chez son père. » Monbrun tomba, roide, et s'étala sur le pavé. Il tenta vainement dans la journée de pénétrer chez sa fiancée. « Dites-lui qu'il ne me reverra jamais » s'était-elle écriée en versant des larmes qui, roulant sur des plaies vives, la brûlaient comme du feu. Monsieur de Monbrun n'était plus qu'une douleur. Les vagues rouges de la fièvre déferlaient dans son cerveau. Son cœur était serré comme dans un étau. Le lendemain, il sembla avoir pris une résolution. Il expédia une longue dépêche à Paris. Un petit paquet lui arriva par le retour du courrier. L'inconnu, arrêté aussitôt après son crime, avait déclaré se nommer Paula Salaberry et avoir agi par esprit de vengeance. Monbrun se renferma dans sa chambre. Il ouvrit le paquet qui contenait une certaine quantité de poudre blanche. Il prit un mouchoir et le plia pour en faire un bandeau. Puis il mesura 2 cuillerées de la poudre blanche, les versa sur le bandeau et, se l'appliquant sur les yeux, il le noua fortement derrière la tête. 2 heures après, il arrivait en voiture devant la maison de M. Larade. Il descendit, appuyé sur le bras du notaire de Vitré. « N'entrez pas, » lui dit Mme de Larade. « Jeanne en mourrait. » « Dites-lui qu'elle peut me recevoir, » répondit M. de Monbrun. « Notre mariage aura lieu dès qu'elle pourra sortir. Elle peut me recevoir. Son image restera éternellement ce qu'elle était. Je suis aveugle. » M. et Mme de Monbrun se sont retirés dans leur solitude de Juvisy. Jeanne adore celui qui a renoncé pour elle à la vue du ciel, des champs et des fleurs. Quant à l'aveugle, il a conservé intacte l'image de la Vierge idéale qui descendait les marches de l'église Saint-Martin de Vitré. Il est heureux, car dans la nuit sans fin à laquelle il s'est condamné, il la voit toujours jeune, toujours belle. Aurélien Scholl.